Bonjour, je m'appelle Mike Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Ce que j'annonce aujourd'hui, c'est même pas un impôt sur les riches, c'est un impôt sur la grande fortune des ultra-riches. Les riches sont-ils ceux qu'on croit? La proposition de Québec solidaire d'imposer davantage les grandes fortunes a relancé la question au cours des dernières semaines. Le parti a affirmé que cette mesure n'affecterait que les ultra-riches. Mon collègue Éric Desrosiers, spécialisé en économie, s'est donné la mission de déterminer qui sont les riches au Québec. Éric, salut. Salut. Éric, la proposition de Québec solidaire a fait germer une idée en toi. Trouver qui sont les riches du Québec. Mais avant de le faire, il fallait dresser un portrait fiscal des gens riches au Québec. Est-ce que tu as été surpris par les résultats? J'ai pas été super surpris. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en effet, ont découvert de quoi ont l'air nos fameux ultra-riches au Québec. Puis, ben effectivement, je pense que ces fameux riches-là ont pas la tête qu'on pense. OK, mais quand je pense à des ultra-riches, moi, je pense à des gens, ou des millionnaires, à des gens qui roulent en Ferrari, en Lamborghini ou en grosses voitures de luxe. Est-ce que c'est la réalité ou je me trompe? Non, ben il y a de ça, évidemment. Donc, des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de sous. Mais bon, la richesse, d'abord, ça peut se compter de toutes sortes de façons. C'est le patrimoine qu'on a d'accumuler. Donc, c'est les maisons, les autos, c'est le compte en banque, les placements qu'on a à gauche, à droite, l'entreprise dont on est propriétaire. Ça, c'est le patrimoine. Ça, c'est la richesse accumulée. Puis aussi les revenus hein, qu'on reçoit, qu'on a à chaque année. Donc, si on est joueur de hockey, on devine qu'on est millionnaire. Donc, c'est le revenu qu'on reçoit tout le temps. Donc, il y a différentes façons de compter. Oui, donc, il y a les gens qui roulent en Lamborghini, mais quand on regarde les actifs, faut regarder est-ce que la Lamborghini est payée. Est-ce que la somptueuse maison que vous avez à côté de vous a une hypothèque? Est-ce qu'elle est hypothéquée jusqu'au grenier? Et là, ça, de ce point de vue-là, une fois qu'on tient compte non seulement des actifs, mais aussi des dettes, puis qu'on additionne l'un et qu'on soustrait les autres, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on se retrouve assez rapidement dans la catégorie des ultra-riches. Les gens sont, de façon générale, font de leur mieux pour arriver avec, pour payer leur maison et tout ça. Mais on a rarement des actifs nets immenses au Québec. On est une société riche, mais pas tant que ça. Est-ce que c'est vrai que tu dis à tes enfants que vous êtes riche? Oui, moi je leur dis, écoutez, les kids... Vous avez deux parents qui travaillent et qui ont des revenus tout à fait corrects. Vous êtes dans l'une des sociétés les plus riches du monde. Vous faites partie vraisemblablement du 10% des humains les plus riches au monde. Disons que ça remet les choses en perspective quand ils se plaignent de la difficulté qu'ils ont pour payer leurs choses. OK, mais dit comme ça... Je suis plus un ado, mais je me dis, ben non, je me sens pas comme un des plus privilégiés, oui, de la planète avec la situation politique, etc. Mais financièrement, si je ramène ça à l'échelle du Québec, je me sens pas comme un privilégié ou un riche. J'ai un salaire moyen, je paye mon hypothèque, j'ai une voiture, je paye pour tout ce que mon enfant a besoin. J'ai pas ce sentiment, mais les chiffres disent autre chose. Les chiffres disent quoi? On va faire tout de suite une distinction. D'abord, être riche en termes de revenus, qui gagne le plus de sous au Québec, puis qui a le plus de patrimoine, donc de richesse accumulée. Donc, au niveau des revenus, faut se souvenir que les chiffres les plus récents qu'on a sont de 2019. Le revenu médian au Québec, là, ça veut dire que ceux qui sont vraiment dans le milieu du revenu, là, par individu, c'est 28 600 $ Pardon. Au Québec. Ça, c'est celui qui est dans le milieu. Si vous faites un petit peu moins, ouais. Vous gagnez un peu moins que la moitié des Québécois. Vous faites partie de la moitié qui gagne le moins. Dès que vous gagnez plus de 28 600 $ par année, ça, c'était en 2019, vous faisiez partie de la moitié la plus riche. On prend 20 Québécois qui représentent tous les Québécois, OK? Puis on coupe en 2 à 10. Ouais. La personne qui est au 10e rang fait 28 000 $ Exactement. Et donc, pour faire partie du 10% des plus riches, ça commence à être riche, ça, ouais. 10%, il faut gagner 88 400 $ et plus. Dès qu'on fait plus de 89 000, faisons un chiffron, vous faites partie du 10 % des plus riches. Wow! Donc, il y a plusieurs personnes qui sont riches ou qui font partie des gens les plus riches sans le savoir. Parce que les gens autour de moi qui font 90 000 $ ne se considèrent pas comme étant riches. Dans le 10 % des plus riches, non. Et d'ailleurs, ça, c'est fascinant parce que quand on demande aux gens qui est la classe moyenne, on fait toujours partie de la classe moyenne. Oui, ben, c'est clair. Y compris quand on gagne, moins de sous, même peu de sous, souvent, on va dire « je fais partie de la classe moyenne ». Mais ce qui est le plus frappant, c'est que les gens qui gagnent vraiment beaucoup mieux leur vie que la moyenne des gens, aussi vont dire « je fais partie de la classe moyenne ». Et c'est les mêmes d'ailleurs qui disent « taxer les riches », alors qu'ils se rendent pas compte que c'est de ces deux dont on parle. Ça, c'est en termes de revenus. En termes de patrimoine, donc de richesse accumulée, là, ça, c'est une autre chose. Parce que on peut s'acheter des maisons immenses, on peut avoir des entreprises et tout. Mais ce qui est important, c'est de compter ces actifs-là, puis de soustraire les dettes. Ouais. Pensons-y, les maisons valent en effet beaucoup d'argent, mais qui a fini de payer sa maison? Il n'y en a pas tant que ça. Et la Lamborghini n'est peut-être pas fini de payer non plus. Elle est souvent, j'imagine, pas très payée. Ce qui fait que, donc, côté patrimoine, prenons le 20 % des plus riches. Donc, si on est un groupe de 5... Il y a une personne qui fait partie, ben, qui est la plus riche. Oui, exactement. Donc, au Québec, là, on va parler des ménages, par exemple, parce que les statistiques nous permettent pas d'avoir le patrimoine de chacun des individus. Donc, les ménages québécois, le cinquième le plus riche, a 1,3 million d'actifs nets. Si vous voulez le séparer, là, si tu veux, là, c'est à peu près 650 000 $ par personne. Ça, c'est le cinquième le plus riche. Ça veut dire, donc, justement, la valeur de la maison moins l'hypothèque, la valeur de l'auto moins ce qu'on doit encore dessus. Il y a aussi les régimes de retraite, parce que si vous avez été dans une entreprise qui vous donnait une retraite à prestation déterminée, ça veut dire que jusqu'à la fin de vos jours, vous toucherez un certain revenu. Ça a une sacrée valeur. Hein, c'est notre très payant quand même. Oui, ça. Oui. Alors, ça, c'est 1,3 million, là, ça, c'est 20 % des ménages au Québec. C'est beaucoup, mais pas tant que ça. Les plus pauvres, le 20 % des plus pauvres, ils ont 2600 $ en actifs nets. Quand tu expliques aux gens que les riches ne sont pas ceux qu'on pense, mais qu'il y en a plus qu'on pense, est-ce qu'ils sont aussi surpris que moi? Il y a toujours... les gens sont toujours étonnés. En fait, ils sont étonnés de deux affaires. Ils sont étonnés de voir que faire partie des plus riches au Québec, on n'a pas besoin de rouler en Ferrari puis d'avoir 12 maisons. Puis l'autre chose qui les étonne et dont on n'a pas encore parlé, c'est l'ampleur du rôle de la fiscalité qui passe ensuite derrière. Un chiffre qu'on n'a pas encore utilisé, c'est celui du côté des revenus. C'est du cinquième des Québécois qui ont les revenus les plus élevés. Les chiffres les plus récents, ils datent un peu, là, c'est 2017. Là. C'était un peu moins de 65 000 $ par année. À partir de 65 000 $ par année en 2017... on faisait partie du cinquième des Québécois les plus riches, des individus les plus riches. Alors, et donc, à 65 000 et plus, ce cinquième-là a à peu près la moitié des revenus au Québec, hein, parce qu'ils ont des revenus plus élevés que les autres. Donc, ça compte pour à peu près la moitié des revenus. Mais ils vont payer 71% de l'impôt sur le revenu. Puis si on veut s'amuser à juste ajouter l'autre cinquième qui suit, juste en arrière... Ceux qui gagnent 42 000 et plus, là, vous avez les 40 % des plus riches. Eux, ils payent 92 % de l'impôt. Alors, c'est pas compliqué. En gros, l'impôt sur le revenu, quand on dit augmenter l'impôt sur le revenu, on parle essentiellement de faire payer les gens qui sont du 20 % des plus riches, voire 40 % des plus riches. Éric, cette conversation sur les ultra-riches et les riches du Québec a comme origine cette proposition de Québec solidaire d'imposer les ultra-riches québécois. Explique-moi comment fonctionnerait cette taxe? Pour Québec solidaire, les ultra-riches, c'est les 5 % de Québécois qui ont des actifs nets d'au moins 1 million de dollars. Pour arriver à leur calcul, ils sont basés sur des chiffres officiels. On est allé voir les mêmes chiffres officiels. Et ces chiffres-là, en fait, sont sur les ménages, ils sont pas sur les individus. Alors, on est allé demander à Statistique Canada à partir de quand on a à peu près 2 millions d'actifs nets dans un ménage, en présumant que, bon, dans un ménage, ils sont typiquement, deux. On est deux. Puis donc, ça va nous permettre de le diviser par deux, puis ça va faire 1 million d'actifs nets par chacun. Et Statistique Canada est assez d'accord avec Québec solidaire. C'est à peu près 5 % de la population québécoise. Et donc, la mesure de Québec solidaire s'appliquerait à peu près 5 % de la population, qui a au moins les individus qui ont au moins 1 million d'actifs. Puis dès à partir du moment où on dépasse 1 million d'actifs, le dollar qu'on a ensuite, lui, serait taxé jusqu'à, disons, par exemple, si on a 2 millions, sur ce million supplémentaire, il faudrait payer 1 000 $. OK. Puis ainsi de suite. Donc, en fait, chaque dollar d'actif qu'on a au-dessus d'un million est taxé. Puis là, si vraiment on a une très, très, très grande fortune, ben là, la taxe augmenterait de plus en plus. Éric, dans le contexte où le Québec est parmi les territoires les plus imposés de l'OCDE, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques, si on tient compte de l'inflation, c'est quoi la méthode la plus efficace pour augmenter l'assiette fiscale de l'État tout en étant juste et équitable? Faut comprendre que le Québec, comme le Canada, puis en fait même comme en Amérique du Nord, aux États-Unis en général, on est un peu une bébite étrange parce que on taxe beaucoup les revenus des particuliers. Dans notre assiette fiscale, donc là où on va chercher, où l'État va chercher son argent, il va beaucoup chercher de l'argent dans les revenus des particuliers, puis moins dans d'autres secteurs. Autre chose, parce qu'on parle de riches, on a l'impression qu'on taxe peu la richesse, le patrimoine. C'est pas vrai. En fait, quand on se compare avec les pays de l'OCDE, encore une fois, au Québec, au Canada, on a tendance à taxer plus que la moyenne le patrimoine. Et ça, c'est entre autres parce que on pense toujours à taxe sur la richesse, la succession. Ça, c'est vrai qu'on l'utilise peut-être un petit peu moins, mais on taxe beaucoup la valeur foncière, la valeur des maisons. Et ça, c'est une forme de taxe sur la richesse. Alors, je reviens à ta question de base. C'est quoi la façon la plus efficace de taxer? C'est d'abord d'avoir une assiette fiscale qui est mieux équilibrée, donc où on va chercher dans plusieurs ressources. Ouais. Et l'une des ressources qu'on utilise très peu au Québec, en Amérique du Nord, c'est la taxe à la consommation. C'est la damnée TPS TVQ. En Europe, c'est souvent la principale source de revenus si on doit choisir les grandes familles d'impôts. Et encore une fois, en Amérique du Nord... peut-être parce que c'est la taxe la plus visible, on l'aime pas. Puis l'autre chose, évidemment, c'est qu'on la suspecte d'être un impôt régressif parce que tout le monde a à consommer et la taxe est la même pour tout le monde. Alors qu'on achète une Lamborghini, la taxe va être de 15 %. Ouais. Si on achète une petite auto usagée, la taxe va être de 15 %. On dit c'est pas juste. Mais en fait, il y a des mécanismes pour compenser ça. On retourne tout simplement un chèque aux ménages les plus pauvres. Mais l'effet, ou plutôt notre perception des impôts et de la taxe. Tu parlais il y a un instant de l'impôt, ou plutôt la taxe à la consommation. Oui. Est-ce que ça se peut qu'en Europe, le fait qu'on ne voit pas ce montant-là, ça s'avale un petit peu mieux qu'ici au Québec où on voit le montant sur notre facture? C'est tout à fait possible. Quand on a institué la TPS, la TVQ, à l'époque, les gens étaient très contre. Et dans un geste de transparence, on s'est engagé à ce qu'elle apparaisse sur la facture, puis qu'elle apparaisse après le montant facturé. Alors, c'est vrai que si elle apparaît pas sur la facture, puis elle est toujours donc dans le prix affiché, peut-être qu'elle dérangerait moins. Éric Desrosiers, merci beaucoup. Merci pour tes lumières. Ah ben écoute, si j'ai un peu éclairé le sujet, j'en suis ravi. Pas juste un peu, tu m'as convaincu de ne pas acheter une Lamborghini. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Mika Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom-Richard, à la recherche Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis Elina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.